fais ton mic, c'est celui qui en chat. Hurry up, hurry up, j'arme le mic dans le club. Hurry up, c'est strict, no happy, dernier rap. Hurry up, c'est le détail, la salle, c'est bamba clap. Hurry up, on se fait ton mic, c'est celui qui en chat. Hurry up, hurry up, j'arme le mic dans le club. Mon gros get up, que tout me chier, mec. Hurry up, un avant de la scène, j'aime ça, jump up. Jump up, le dernier rap, we'll never break up, même si j'étais locked up. Fuck les stock up de uptown en bas de la côte. Stop, why? J'suis gone, gone, gone. Chiki, chiki, blam, ça. Gone, gone, gone. Come on, come on. Dépêche-toi. Away. Les gars veulent toujours plus comme ça serait le jour de paye. Dernier album, Rush MTL. District Nowhere represent. Quand on pense que tu veux, tu vas le chercher. C'est pour ça que tu vois notre gueule, c'est pour ça te rechercher. So moving up, c'est le fox qui débarque. So pump it up, tu connais le dernier rack. The One Love appose des bombes, Bandit 9 et sort de l'ombre. J'veux que t'être un poussière de tombe. Les gars de la campagne triomphe, fait des tas de shows, ouais. Un peu de souverain, le monde move, mais ici la porte s'ouvrait. A chaque show, on fait bouger la masse, c'est le DA. Notre shit marche et qu'on finisse au Bahamas. Pour chercheur que j'pars en reconnaissance, j'demande un peu de reconnaissance. Après 6 ans, tu testes encore mes connaissances. C'est pourtant ce que je consomme comme essence. Mes gars sont prêts, plus que d'être d'une appui et l'intelligence. Hurry up, c'est strict, no happy, dernier rap. Hurry up, c'est maintenant que la zone c'est bamba clap. Hurry up, on se fait tout mic, c'est celui qui en chat. Hurry up, blah. J'arme le mic on the club. Hurry up, c'est strict, no happy, dernier rap. Hurry up, c'est maintenant que la zone c'est bamba clap. Hurry up, on se fait tout mic, c'est celui qui en chat. Hurry up, blah. J'arme le mic on the club. Comme you, UBO, UBA. Dans un des lignes pour être tourné, n'oublier. Pas hip-hop pour rire, c'est que du hip-hop pour rire. De ceux qui pop pour rire, qui se met dans hip-hop pour rire. Les notes passent, le temps presse. Le temps presse. J'vois que notre basse, c'est un presse. C'est un presse. Kick sur notre basse autant que fraise. Puis dès que votre basse, j'suis comme freeze. J'fais vibrer ici dans vos pantalons. J'ai pas de talons, rien que le compact talon. Pas de talent pour certains qui se pack talons. Jamais de pack talons, mais que 10 compact talons. Compact dédié à tous ceux qui se contactent talons. Quand j'débarque, on prend des gages, des gars que le son dégage. Prends le mic pour faire sonner les pages. J'ai qu'on sent dommage, c'est mon domaine. Ça y est, night des ADN, entaille mon ADN. Donne des mots de mon abdomen. Mike de kleptomène, mot clé d'adepto mic. J'm'adapte au wack comme une panneau black, des panneaux black. Mike à mano black, psych à menta click. T'attaques sur scène au club, hurry up sur scène éclate. Au sein de mes potes, tes pattes, mes potes, tes pattes, où passe la pute. On casse la place, on passe la masse, débauche la mousse pour qu'on touche la tasse. Faut pas que j'm'attache, mais c'est plus fort que moi. Il faut qu'on se cache, tout le monde veut faire comme eux. Un air commun, une bande de narcomanes qui n'accropense la merde, on hurry up, c'est strict, no happy, dernier rap. Hurry up, c'est maintenant que la zone c'est bon, fuck clap. Hurry up. On se fait tout mic, c'est celui qui en chat. Hurry up, blah. J'arme le mic on the club. Hurry up, c'est strict, no happy, dernier rap. Hurry up, c'est le détail, la salle, c'est bamba clap. Hurry up, on se fait tout mic, c'est celui qui en chat. Hurry up, blah. J'arme le mic on the club. Je spit sur hurry up, vibe. C'est ce qui la hype qui dans le vibe. C'est ce qui est tout jack des good types. C'est ce qui la hype qui dans le vibe. J'pose sa pop une 96 pour que mon crew devienne dégâts. Bouge ton cul, le dernier rap au mic, en cause des dégâts. C'est comme les débats, fini les ébats. Y'a pas de débat, et si c'est le DA. J'répète tes bottes, débats, même si tu ne t'aimes pas. Toujours là pour y rester, au jour le jour on est testé. Ma vie où c'est déressé. Moi pousse plus, même ils me détestent. Autant cash que Master P, autant gold que Master G. Et tout ça, ça va de mon cul ici. Et ça, compte une menterie. Mais les beats de plus encore plus deep, les textes encore plus deep. J'vais pas finir par faire du commercial, puis régressif pour tout plus cheap. Hurry up, c'est strict, no happy, dernier rap. Hurry up, c'est maintenant que la zone c'est bon, fuck clap. Hurry up.